Si vous voulez dire « j'aime » dans le sens « j'apprécie », en espagnol, vous utilisez la même structure que pour dire « ça me plaît » en français. « Ça plaît », c'est « gusta » et « ça me plaît », mais « gusta ». C'est comme ça qu'en espagnol, on dit « j'aime hein, »,« j'aime ça »,« me gusta ». Donc, si vous voulez dire « j'aime » par l'espagnol, c'est-à-dire « par l'espagnol me plaît », vous devrez dire littéralement « me plaît parler espagnol ». Me gusta. Me gusta. Me gusta, d'accord. Parler espagnol. Hablar espagnol. C'est ça. Hein? Me gusta hablar espagnol. Et comment direz-vous « je n'aime pas le faire » ? No me gusta. C'est ça. No me gusta. Hein? Ça ne me plaît pas. Je n'aime pas. No me gusta. Le faire. Hacerlo. Bien. No me gusta. Hacerlo. Comment direz-vous « j'aime aller dîner au restaurant » ? Me gusta. Aller. Hein? Le verbe « aller », c'est... Venir. Non, ça c'est « venir ». Ir. C'est ça. Ir, c'est un verbe de mouvement. Et ici, on veut dire « aller dîner ». Donc, ir est suivi d'un autre verbe. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le verbe de mouvement ? On met... A entre ir et le verbe qui suit. Tout à fait. Hein? Ir a. Hein? Aller dîner, littéralement, aller à dîner. Ir a cenar. D'accord. Me gusta ir a cenar. J'aime aller dîner. Aller dîner, ir a cenar. Au restaurant. Là, pour o, on dira en el. En el restaurante. Non. Restaurante? C'est ça, en el restaurante. Me gusta ir a cenar en el restaurante.